Ouais, je démonte bien ou quoi, frère? Ça va, Lénine, quoi? Eh, gros, je voulais te dire, ça fait plaisir, en fait, ouais. Hein. Je vois, toi, les gens, ils croient que t'as percé, tu t'as arraché, tout ça, mais t'es toujours là, tu tiens le bitume. Ouais, ça merci, fait plaisir, la on voit tous les jours. Ok. Sur le bitume, H24 sur le bitume. Sur le bitume, H24 sur le bitume. Sur le bitume, H24 sur le bitume. H24 sur le bitume. Sur le bitume, H24 sur le bitume. Sur le bitume, H24 sur le bitume. Sur le bitume, H24 sur le bitume. H24 sur le bitume. Ça se voit dans l'hall des Kikai. Accompagné d'une miss à rentre chez soi. Avec du gloss sur le pénis, caractère de félin. Les poils s'érissent pour rien, ça crosse. Calme pas quand tu pilotes un R1 ou un cross. Comme les petits et les grands au jet, je vis, je grandis. Je vieillirai à la tête, j'ai mal à la retraite. LSD shit ou bien de la cesse, ça fourque sans stress. Tant que la bague rôde loin, ça guette de loin. Avec un cocktail dans les mains, celui qui a pas de chance se fait ses règles, des gants qui puent l'essence. Ça quitte l'école pour le CJD pendant l'adolescence. Mais nous la tôle, on s'en bat. Les potes vendent du shit en bas. Et on reçoit les mandats, les poches du parisien qu'on arrache. Quand ça parle des meutes à la tête, ou bien de ces baltringues qu'on arrache. Madame la juge, arrête. Chez moi, les inspecteurs s'étouffent. Les gros poissons, ils ont trop d'argent. Je souhaite la bienvenue dans notre monde. Où ça s'agit quand la nuit tombe. Quand ça s'agit, le bise a pour coutume d'agir dans les zones d'ombre. On s'entretue chaque jour, c'est un triste constat. Pourtant, j'aimerais vous dire qu'on y survit aussi souvent qu'on star. La rage dans les artères dès leur plus tendre enfance. Depuis que la haine s'écoule à flot, les petits rêvent de ce qu'est la France. Même sans pare-balles, on s'entretue tout en finesse. Souhaite la bienvenue dans un monde où la mort frappe à toute vitesse. Où les enfants sont déserteurs, des mauvais jours. Où les parents sont des acteurs, où les murs sont désormais sourds. Où on a du mal à faire confiance en ce qu'on fait. Bienvenue dans le monde où mes confrères ont bien du mal à se confier. Un monde où la nature humaine est pitoyable. Parce que certains politiciens pensent que la France est nettoyable. Moi, je vous souhaite la bienvenue dans notre monde, celui du bloc. Un monde que l'Hexagone n'apprécie plus comme à l'époque. Sur le bitume, H24 sur le bitume. Sur le bitume, H24 sur le bitume. Sur le bitume, H24 sur le bitume. Je pèse les keufs, je suis H24 sur le bitume. Sur le bitume, H24 sur le bitume. Sur le bitume, H24 sur le bitume. Sur le bitume, H24 sur le bitume. H24 sur le bitume. Sur le bitume, H24, sur le bitume, on m'attritue. JC 2001, on a la recette pour faire des thunes. En journée de somme, netline, les tubes. Dans le café, les caves me bulles. Pour ceux qui se croient qu'ils mettent trois pulls. À la passe, tous les plus. Je connais des taux, ses allées, ses labyrinthes et ses impasses. Auprès des fours, des chiens de la casse. Des bras chassés, j'ai fait mes classes. Comme tous les cassos du ghetto, comme taf, j'ai fait dealer. J'ai fréquenté les braqueurs, les galériens, les voleurs. Entre ceux qui passent sur moi, gros, qui m'aiment pas, alors qu'ils me connaissent même pas. Et les autres, j'ai déçu dans le peura. Ils croient que j'ai pris des Yomi, que j'ai un Porsche, un que j'ai plus aucun souci, que je traîne plus à la tessie. La réalité, je la vois tous les jours, c'est la merde en bas des tours. Je baisse les tailles, leur discours, le maire choisit et toute sa cour. Hollywood, les moines, tu vois, c'est la rue en direct. Viens pas test, les mecs vénères, elle veut à la durée au pincette. H24 sur le bitume, des embrouilles et des contrôles. Je suis le phénomène du RAP, je veux mon disque d'or et mon trône. Donc je perds pas mon temps, je bosse mes textes et mes avant-bras. Pendant que les petits prennent des thunes et vendent des savants bas. Je suis dans la tête ou à la gare, des saules, je vois trop de condés, pas assez de justice. Dis-le au gars, des sauts, les jaloux me font de la pub à coups de batte, je les remercie. Dis-leur je les baise, ma bite est longue comme le RERC. Des allers-retours en cage, des mecs qui braquent quand y'a plus de sous. C'est pour Alfred, sa bière zone est 2 minutes sous. Je suis le trompa, y'a trop de rappeurs à licencier. Les bastos sont des victimes, les canons sont sciés. 20 piges sur le bitume, je crois que c'est assez. J'ai vu mes soucis s'entasser, la ronde de péter s'est passée. Une couronne pour l'état, championne en baliverne. Ici, même quand il caille, on reste en baliverne. Sur le bitume, H24 sur le bitume. Sur le bitume, H24 sur le bitume. Sur le bitume, H24 sur le bitume. Je pèse les keufs, je suis H24 sur le bitume. Sur le bitume, H24 sur le bitume. Sur le bitume, H24 sur le bitume. Sur le bitume, H24 sur le bitume. H24 sur le bitume. Les saules H24 sur le bitume. Alfred de Musset H24 sur le bitume. Sablière Zone H24 sur le bitume. Tout ça c'est Hollywood H24 sur le bitume.